Chapitre 18e. Première tentative du capitaine Clavering. Le lendemain, pendant son déjeuner, entre 1h et 2, tout en avalant fort ce grog l'un après l'autre, Arthur Clavering prit la résolution de se mettre à l'œuvre aussitôt. Il irait dans Bolton Street ce jour-là même et tâcherait de se faire recevoir. S'il ne réussissait pas cette fois, il essaierait encore le lendemain, et s'il échouait encore, alors il écrirait une lettre, non pas pour lui demander sa main, mais une lettre où il lui dirait qu'il avait des raisons très sérieuses pour désirer voir sa chère parente Lady Ongar. Peu après, il sortit et se rendit chez son coiffeur. Il en sortit considérablement embelli, et il était près de 3 heures quand il se trouva dans Bolton Street, ayant calculé qu'il avait plus de chances de trouver Lady Ongar à cette heure-là qu'à toute autre. Mais quand il fut arrivé devant la porte, au lieu de frapper, il passa outre. Il se dit qu'il n'avait pas encore suffisamment préparé le petit discours qu'il se proposait de faire. Il prit donc un étroit passage au bout de la rue, s'enfuit à Piccadilly et revint dans Bolton Street. Après cette petite tournée, il avait à peu près résolu de ne pas employer les grands moyens pour cette fois. Il n'était pas de mise à une première visite. Il serait temps d'y recourir peu avant de faire sa proposition. La veille du même jour, en prenant son grog, il avait pu se flatter de gagner la victoire du premier coup. Mais la froide réflexion lui faisait comprendre que l'entreprise n'était pas facile. Il y fallait de la mesure et de la discrétion. Dans ses sentiments, Archie souleva le marteau de la porte. Il lit son nom et fut aussitôt introduit dans le salon de Lady Ongar. Elle n'y était pas, mais elle descendit promptement et entra le sourire sur les lèvres et en lui tendant la main. Entre le domestique qui avait entendu le nom du capitaine et la femme de chambre qui alla prévenir sa maîtresse, il y avait eu un malentendu. Et Lady Ongar, en descendant de sa chambre à coucher, s'attendait évidemment à rencontrer une toute autre personne. Elle avait cru qu'on lui annonçait Harry Clavering. « Je descends immédiatement », avait-elle dit à sa femme de chambre, ne prenant que quelques instants pour se regarder à la glace, rajuster un peu son vilain bonnet de veuve et arranger les plis de sa robe. Cette comtesse, cette veuve, cette femme du monde, qui avait assez vécu pour rester calme dans toutes les circonstances, se mit à frissonner et à trembler devant son miroir quand elle apprit que Harry Clavering l'attendait en bas. Il est probable qu'elle se serait épargné ce soin, si elle avait su le nom réel de son visiteur. Tout en descendant lentement les escaliers, elle se demandait comment elle allait le recevoir. Il s'était tenu à distance. Elle ferait bien de se montrer froide à son égard, froide et réservée comme sur la chaussée du chemin de fer le jour de son retour à Londres. C'était un rôle qu'elle savait bien jouer. C'était maintenant à Harry à faire des protestations et à donner des signes d'amitié, si jamais il devait y avoir plus que de l'amitié entre eux deux. Mais elle changea de résolution au moment où elle mit la main sur le bouton de la porte. « Non, se dit-elle, il valait mieux être franche et sincère. » En réalité, elle était charmée de le voir, elle ne le lui cacherait pas. À quoi bon recourir aux petites manœuvres et aux procédés usuels de la coquetterie féminine? Ce changement s'opéra dans son esprit pendant qu'elle pressait le bouton de la porte. Elle l'ouvrit enfin, entra souriante, et tendant la main pour se trouver en face du capitaine Archie Clavering. Le capitaine avait assez de perspicacité pour remarquer le brusque changement qui se fit dans son air et son attitude. Ce changement était assez visible pour enlever au pauvre Archie le peu de courage que les leçons de son ami lui avaient inspiré. La main que Lady Ongar avait tendue en entrant se retira tout d'un coup, le sourire s'effaça de son visage et fit place à un air grave et digne qui fit sentir au capitaine tout ce qu'il y avait de difficile et de téméraire à vouloir courtiser une comtesse. Elle traversa lentement la pièce avant de lui parler. « Le capitaine Clavering, » dit-elle, enfin d'un ton qui exprimait plus de surprise que de plaisir et de bienveillance. « Oui, Lady Julie, je veux dire, j'ai pensé que je ferais bien de venir vous rendre visite puisque vous ne deviez pas venir nous rejoindre, Clavering, vers les fêtes de Pâques. » Quand Julie demeurait chez Sir Hughes, Archie l'appelait Julie. Leur rapport avait été intime et il s'était mis tout naturellement à lui donner ce nom familier. Il s'était rappelé cette particularité depuis que son nouveau projet lui était venu en tête et il s'était bien promis de tirer parti de son ancienne familiarité. Aussi, après le premier choc, avait-il recouvré un peu sa présence d'esprit. vous êtes bien bon, lui dit-elle. Et comme, depuis un instant, il tenait sa main droite tendue vers elle, elle se contenta de la lui toucher légèrement. « Il n'y a rien que je déteste autant que les grimaces et les mystères, » dit-il. Elle accueillit cette remarque d'une légère inclination, tout en gardant le plus parfait silence. Ce silence était pour Archie quelque chose de terrible. Il avait fait une pause, espérant qu'elle allait parler. Mais quand il vit ce geste glacial et raide, il comprit que c'était à lui à continuer. « Les grimaces et les mystères ne font que du mal, » reprit-il. Nouvelle inclination silencieuse. « Tout le monde là-bas, à Clavering, a fait des mystères depuis votre retour en Angleterre, Julie, mais je veux m'y être damné, si je sais de quoi il s'agit. » Même silence de la part de Lady Ongar. Hermione seule a fait exception. Votre sœur n'a cessé de parler de vous comme s'il ne s'était rien passé. Flatteuse insinuation que le naïf capitaine faisait à l'adresse de la jeune veuve qu'il venait demander en mariage. Hermione a toujours été trop bonne pour moi, dit Lady Ongar en souriant. Sur ma parole, elle est trop bonne. Si quelqu'un a eu tort, c'est Hughes, et sur mon honneur, je ne saurais dire ce qui le tenait quand vous êtes revenu en Angleterre. Je n'étais pour rien dans cette affaire, vous le savez de reste. Je n'ai jamais cru que vous fussiez capable de rien, capitaine Clavering. Je crois, voyez-vous, que Hughes avait fait des pertes d'argent, j'en suis même certain. Il n'y avait pas moyen de vivre dans la maison. Il ressemblait alors à un ours qui a mal à la tête. Hermione doit vous avoir raconté tout cela. Hermione n'est pas d'un caractère aussi communicatif que le vôtre. Est-ce vrai? J'aurais cru qu'entre deux sœurs, mais cela ne me regarde pas. Elle gardait toujours le silence, un silence qui s'effrayait, et il sentit qu'il lui fallait ou se lever ou se retirer ou continuer tout seul la conversation. L'une et l'autre alternative étaient pénibles, et il resta quelque temps accablé sous l'embarras de sa situation. Il n'avait pas réussi à lui mettre la bride comme son ami Boodle le lui avait recommandé. « Dans tous les cas, Julie, reprit-il, il ne sert de rien d'avoir des querelles. » C'était là une question directe, il fallait qu'elle y répondît. « Il est quelquefois très utile, à mon avis, lui dit-elle, que les gens restent à distance, les uns des autres. Sir Hughes n'a pas eu de querelle avec moi, que je sache. À vrai dire, depuis mon mariage, l'occasion nous a manqué pour cela. Mais je crois que nous ferons bien, lui et moi, de ne pas nous revoir. » « Précisément, il a un vif désir de vous voir chez lui à Clavering. Vous a-t-il envoyé ici pour me le dire ? Moi ? Oh, assurément non. Je suis venu de mon propre mouvement. S'il faut Hughes un messager, il peut en chercher un autre que moi. Mais vous et moi, nous avons toujours été bons amis, vous le savez. » En l'entendant parler ainsi, elle ouvrit de grands yeux et se contenta de sourire. « Et, continua-t-il, j'ai pensé que peut-être cela vous ferait plaisir de me voir si je vous rendais visite. C'est là tout. Vous êtes bien bon, capitaine Clavering. Il me faisait peine à penser que vous étiez à Londres et que personne ne venait vous voir, que personne ne s'inquiétait de vous. Maintenant, dites-moi franchement, puis-je faire quelque chose pour vous? Avez-vous quelque affaire que je puisse arranger pour vous dans la cité? Je ne crois pas, grand merci, capitaine Clavering. Cela me ferait grand plaisir, je vous l'assure. Je n'aimerais rien tant que de pouvoir me rendre utile de quelque manière. Voyons, n'avez-vous rien? Vous devez avoir quelque affaire à soigner, des affaires d'argent ou autre. Mon homme de loi se charge de cela, capitaine Clavering. Oui, mais ces gens-là sont de telles harpies. Ils vous prennent des sommes énormes pour leur peine et pour faire une besogne dont je me chargerai avec un vrai plaisir. Je crains bien de ne pouvoir vous employer d'une manière qui serait conforme à vos goûts. Ne le pouvez-vous pas, vraiment? Puis il y eut un nouveau silence et le capitaine commença à penser qu'il était temps pour lui de se retirer. Il était bien disposé à parler couramment sur quoi que ce soit, mais il restait court du moment qu'on ne lui donnait pas de quoi parler. Il sentit qu'il lui fallait se retirer, bien qu'il n'eût pas même ébauché la première partie de sa tâche. Il commença à comprendre qu'il s'était mal pris. Peut-être aurait-il dû lui passer la bride au cou aussitôt en arrivant. Maintenant, il ne lui restait qu'à battre en retraite afin de mieux sauter une autre fois. Il avait pris là-dessus son parti et il cherchait un prétexte pour se lever de dessus son fauteuil quand un aide lui arriva dans la personne d'un autre visiteur. La porte s'ouvrit et l'on annonça Madame Gordeloup. « Oh, mon bon ange !» dit la petite polonaise en se précipitant vers son amie qu'elle embrassa sur les deux joues. puis elle se retourna comme si elle ne venait que d'apercevoir le visiteur étranger et lui fit une inclination. Le capitaine Clavering, qui tenait son chapeau des deux mains, s'inclina à son tour devant la petite Sophie. « Le beau-frère de ma sœur, le capitaine Clavering, » dit Lady Ongar, « Madame Gordeloup. » Le capitaine Clavering s'inclina de nouveau. « Ah, » dit Madame Gordeloup, « je suis bien aise de voir le capitaine Clavering. Et votre sœur est-elle venue ?»« Non, ma sœur n'est pas venue. » « Lady Clavering ne passera pas le printemps en ville cette année, » dit le capitaine. « Ah, vraiment ?»« Eh bien, je la plains. Il n'y a qu'une ville au monde où l'on puisse vivre en avril, mai et juin, et cette ville, c'est Londres. » « Mon petit-neveu est malade, » reprit Lady Ongar, « et ma sœur craindrait pour sa santé si elle l'amenait à Londres. »« Ah, c'est dommage. Et Sir Hughes est-il à Londres ?»« Oui, » dit le capitaine. « Mon frère y est déjà depuis quelque temps. » Et il laisse sa femme seule à la campagne, pauvre dame. « Mais vos femmes anglaises aiment la campagne. Elles sont passionnées pour les prairies et les marguerites. C'est du moins ce qu'elles disent. Mais je crois qu'elles mentent souvent. Pour moi, j'aime les maisons, les gens et le pavé des rues. Les prés sont humides et je crains de m'enrhumer. Dites-moi la vérité, Julie. Qu'est-ce que vous préférez, la campagne ou la ville ?»« Je préfère l'endroit où je ne suis pas. »« Ah, c'est cela, je le comprends. C'est parce que vous êtes inoccupé, parce que vous ne vous êtes pas encore établi quelque part. » En entendant parler de la possibilité pour Lady Ongar de s'établir, le capitaine Clavering dressa les oreilles et attendit avec une vive curiosité ce qui allait venir. Il ne voyait, lui, qu'une manière pour une veuve de s'établir. « Il vous faut attendre un peu, ma chère, encore un peu, tant soit peu, jusqu'à ce que vos chagrins se soient apaisés. »« Ne dites donc pas de pareilles sottises, Sophie, » dit la comtesse. « Ah, ma chère, ce ne sont pas des sottises. Je suis toujours à lui dire, capitaine Clavering, qu'elle doit parcourir cette sombre et ennuyeuse étape aussi vite que possible, et qu'ensuite, nul goûtera mieux les plaisirs de Londres que la riche et belle Lady Ongar. N'est-ce pas que c'est votre avis, capitaine Clavering ?» Archie crut que le moment était venu de dire quelque chose d'aimable qui peut faire pressentir à la comtesse ses intentions à son égard. « Sur ma parole, dit-il, nul ne sera plus admiré qu'elle quand elle rentrera dans le monde. Jamais personne n'a été plus admiré auparavant, c'est-à-dire quand vous étiez encore Julie Brabazon. « Je ne serais pas surpris de vous voir reparaître sur la scène avec autant d'éclat que jamais. »« Oh, je le crois bien, » dit la Polonaise. « Une femme qui était mariée fait toujours plus de sensations qu'une jeune fille. »« Sophie, puis-je vous prier, vous et le capitaine Clavering, de faire des remarques un peu moins personnelles ?»« Il n'y a rien que je déteste comme vos jeunes filles, » reprit Madame Gordeloup. « Vos jeunes Anglais se donnent toujours des airs. À Paris, ou dans ma chère Vienne, ou à Saint-Pétersbourg, elles ne font rien de semblable. » Là, elles ne sont rien, mais elles se préparent à devenir quelque chose, ce qui vaut mieux. Vos jeunes filles font tant et tant d'embarras qu'elles ne peuvent pas s'élever plus haut dans la suite. Une fois mariée et mère de famille, votre Anglaise vit retirée à la campagne et donne des médecines à ses enfants. Je n'aime pas cela le moins du monde. Si mon mari m'avait mise à la campagne pour m'occuper de pareils soins, je lui redonnais toutes les médecines à lui-même quand il serait venu me voir. Elle parlait avec une extrême vivacité, ouvrait de grands yeux, et regardait en pleine figure Archie Clavering. Le capitaine Clavering, qui était assis avec son chapeau entre les deux jambes, regardait avec étonnement l'étrangère. Il avait déjà entendu parler de femmes empoisonnant leur mari, mais il n'avait jamais vu une femme soutenant la chose en principe. Jamais non plus, il n'avait vu une femme s'exprimer avec la violence qui mettait Sophie Gordeloup, tout en faisant une allusion aussi directe à la position particulière de sa belle-sœur. Lady Ongar partageait-elle ses sentiments ? Il éprouvait le besoin de connaître la vie de Julie à cet égard. « Sophie, » dit-elle en riant, « le capitaine Clavering est dans le cas de prendre en sérieux ce que vous dites. Mais je parle très sérieusement. Votre système ne vaut rien. Vous faites évaporer tout le parfum de la fleur, et quand elle est flétrie et desséchée, vous la reléguez dans une vieille maison à la campagne. Et puis, pour donner une belle couleur à la chose, vous parlez du charme des prairies et des marguerites. Un grand merci, dirai-je à mon mari. » Puisque les prairies ont tant de charme et que les marguerites sont si belles. Allez-vous-en, mon amour, vous promener dans les champs et me cueillir des pâquerettes, que vous m'enverrez ensuite par le chemin de fer. Oui, voilà ce que je lui dirai. » Le capitaine Clavering n'y comprenait plus rien, et commençait à croire à la Polonaise un peu folle. Quand les Clavering étaient à Londres, on leur envoyait chaque jour de la campagne des légumes et des fleurs, mais peu de marguerites. Peut-être, se disait-il, en France on agit autrement. Le langage allégorique de Sophie était une énigme pour lui, et il gardait le silence. Personne n'a jamais essayé de vous renfermer, vous, Sophie, dit la comtesse. Non, certes. M. Gordeloup savait à qui il avait affaire. Qu'est-ce qu'il serait devenu s'il m'avait claquemuré de la sorte? Mais cela ne vous arrivera jamais non plus, ma chère. À votre place, je ne fournirai à personne l'occasion de le tenter. Ne parlez pas ainsi, dit le capitaine d'un ton de voix presque passionné. Ne parlez pas ainsi. Mais si, je veux le dire, pourquoi une femme qui a tout ce qu'il lui faut irait-elle se remarier? S'il lui faut des prairies en fleurs, elle en a qui lui appartiennent. Si elle préfère le séjour de la ville, elle est libre d'y rester. Lui faut-il des bijoux? Elle peut les acheter. Des équipages? Elle n'a qu'à les commander. Des soirées? Elle peut en donner autant qu'elle voudra. Les hommes seront ses humbles esclaves. Ils ne lui manqueront pas. Londres en est plein. Veut-elle rester seule? Nul ne peut l'approcher sans sa permission. Pourquoi donc irait-elle se marier? Mais si elle venait à aimer quelqu'un, dit le capitaine, d'un ton qui restait toujours humble. Aimer quelqu'un, allons donc, pour se faire ensuite renfermer dans une vieille baraque. La manière dont ce mot baraque fut prononcé par l'énergique polonaise fit tressaillir le capitaine sur son fauteuil. L'amour, continua-t-elle, est une jolie chose à 17 ans, quand l'imagination nous berce de rêves mensongers et que la vie est un songe. Aimer les gens, je veux dire aimer ses amis, s'attacher à eux comme je me suis attaché à ma chère Julie, et se disant, elle saisit la main de Lady Ongar, c'est le plus grand bonheur de la vie. Mais ce que vous appelez aimer et roucouler auprès d'une femme en lui récitant des vers sur la lune et les étoiles, c'est une niaiserie, c'est un pur enfantillage. Non, vous dis-je. S'il faut à une femme une maison et de quoi vivre, qu'elle se marie. Si un homme veut avoir des enfants, qu'il prenne femme. Mais s'exposer à se faire enfermer à la campagne quand on a tout ce qu'on peut désirer, je dis que ce serait une folie. Le capitaine commençait à regretter sérieusement d'avoir fait connaître que sa belle-sœur était restée seule à Clavering Park. Comment s'y prendrait-il pour donner à entendre que, si lui était marié, il ne songerait pas à renfermer sa femme dans Hangar Park? Lady Clavering, reprit-il, vient d'ordinaire passer la saison à Londres, et quant à moi, je ne saurais être heureux si je ne menais pas ma femme partout avec moi. Bon, s'écria la polonaise. Le capitaine Clavering n'y plus put tenir. Il sentit que le ton de cette femme devenait, pour le moins désagréable, et il s'aperçut qu'il n'avançait pas du tout sa propre cause. Il se leva donc et murmura quelques mots pour annoncer son intention de partir. « Adieu, capitaine Clavering, dit Léongard, mes compliments à ma sœur, quand vous la verrez. » Archie lui serra la main et s'inclina devant Madame Gordeloup. « Au revoir, mon ami, lui dit-elle, et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il ne convient pas qu'une femme reste seule à la campagne pendant que le mari se promène dans la ville et fait de l'œil à toutes les femmes qu'il rencontre. » Archie n'avait nulle envie de continuer la discussion. Il s'inclina de nouveau et sortit. « Il est venu dresser ses batteries, » dit Sophie aussitôt que la porte fut fermée. « Contre qui ?»« Ce n'est pas contre moi. Oh, certes, je ne risque rien du tout. »« Voulez-vous parler de moi ?»« Ah ça, Sophie !»« Vous vous mettez en tête les idées les plus étranges. »« Eh bien, nous verrons. »« Que me donnerez-vous si j'ai raison ?»« Que voulez-vous parier ?»« Pourquoi donc avait-il mis des gants frais ?» Et s'était-il fait parfumer chez le coiffeur? Est-ce qu'il fait cela d'habitude? A-t-il coutume de porter des bottines vernies qui lui emprisonnent le pied? A-t-il toujours ses yeux provocateurs? Je n'ai jamais fait attention à ses bottines ni à ses yeux. Mais moi, j'y ai fait attention. J'ai bonne vue. Cet homme-là convoite Hangar Park, c'est moi qui vous le dis. Il en viendra 10 000 comme lui, et cela n'est pas surprenant. Pour voir Hangar Park et votre argent, il en est plus d'un qui se fera parfumer chez le coiffeur. « Vous vous occupez beaucoup trop de ces choses-là, ma chère. Vraiment, ai-je tort? Je vois déjà 3 prétendants. Il y a mon frère Édouard. Il y a ce Clavering que vous appelez capitaine, et il y a l'autre Clavering qui marche le nez en l'air et se croit un habile homme parce qu'il a bien appris ses leçons à l'école et n'a jamais reçu le fouet. Ça pourra lui arriver un jour, peut-être. Sophie, taisez-vous. Le capitaine Clavering est le beau-frère de ma sœur, et Harry Clavering est mon ami. Ah oui, votre ami. » Je sais quelle espèce d'ami il prétend être. Il lui plairait mieux d'avoir un parc et de l'argent en abondance que de travailler un canal ou un chemin de fer. Mais il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. À votre place, je lui dirais, « Mon ami, vous réussirez dans votre carrière en travaillant bien. Je vous conseille d'y rester. » Vous paraissez ne pas aimer mon cousin, et vous me ferez plaisir de n'en plus parler. Mais pourquoi ne l'aimerais-je pas? Il ne cherche pas à m'arracher de l'argent. Assez là-dessus, Sophie. C'est bien. Je me tairai. mais cet autre individu qui est venu ici aujourd'hui, franchement, c'est un sot. Très probablement. Celui-là n'a pas apprécié le son sans se faire fouetter un peu. Le fouet n'y a rien fait. Je le crois. Il est né et restera sot sa vie durant. Il ne sait pas tenir son chapeau. Dites-moi, Julie, voulez-vous que nous fassions une promenade en voiture? Il ne vaut rien pour vous de sortir seul. Voulez-vous que nous sortions ensemble? Lady Ongar, tout en se soumettant, avait honte de sa soumission. Mais que pouvait-elle faire? Il est quelquefois très difficile d'échapper au filet de certains amis. Le capitaine Clavering, en quittant Bolton Street, se rendit à son club après avoir ôté ses bottes vernies et ses gants frais. Il s'élança dans la salle de billard, comptant bien y trouver son ami. Et là, en effet, il vit Boodle en bras de chemise, les manches retroussées, en train de jouer. Boodle, en l'apercevant, ramena aussitôt la queue de billard sur sa poitrine comme pour présenter les armes. « Eh bien, lui avez-vous mis la bride au cou et l'éperon au flanc? Dites-moi, Clavering. » La pièce était pleine de gens qui entendirent la question et le capitaine Clavering en fut presque offensé. « Allons, Boodle, lui dit-il, continuez votre partie, c'est à vous de jouer. » Boodle se remit à jouer et fit un magnifique carambolage. Puis il prit un shilling qu'il mit dans la poche de son gilet, tout en gardant dans sa bouche son cigare allumé, et rejoignit son ami. « Eh bien, Clavy, comment cela s'est-il passé ?»« Il n'y a encore rien de fait. »« Est-ce que vous n'avez pas vu ?»« Si, je sors de chez elle. Je ne suis pas homme à lanterner en pareille affaire. »« Eh bien, donc, on ne peut rien dire après une première visite, vous comprenez ?»« Mais lui avez-vous fait sentir l'éperon ? Dites-moi, l'avez-vous fait ?» Archie se préparait à répondre qu'il n'avait peut-être pas très bien réussi sur ce point. Mais il fut interrompu dans son récit par Boodle dont le tour était venu de jouer. Avec son habileté ordinaire, il rafla encore 2 shillings. « J'en suis fâché pour vous, » dit-il à Griggs, le jeune lieutenant dont il venait d'empocher l'enjeu et qui paraissait profondément vexé. « J'en suis très fâché pour vous, mais vous ne connaissez pas le jeu. » Griggs quitta la pièce avec un air qui semblait dire qu'il savait à quoi s'en tenir là-dessus. Boodle rejoignit aussitôt son ami. « Voilà, » reprit Archie. Il est survenu une petite franco-polonaise. Comment, une domestique? Non, une amie à elle. Dieu, quelle créature! J'aurais voulu que vous l'entendissiez parler. Il paraît que c'est une amie intime. Elle l'appelait Julie. J'ai dû me retirer et la laisser seule. Il vous faudra gagner cette femme. Comment? Avec de l'argent? Probablement. Cela me reviendrait cher. Vous donnerez un peu un jour, un peu l'autre. Elle arrangera votre affaire. Commencez par lui donner une broche. Puis vous lui offrirez de lui prêter de l'argent. Vous verrez qu'elle se laissera aisément amorcer, si vous savez vous y prendre. Oh, ce n'est pas là ce qui m'inquiète. Eh bien donc, commencez et dressez vos batteries. Maintenant mettez-vous à la place de Griggs et jouons une partie. Le capitaine Clavering ôta son habit pour engager la lutte.